comme j'étouffe. Dans la chaleur de ta chambre, chez toi tout est tapis, moquette et fait psyché. Sur le mur d'en face, un torero se campe, couvé par le bon oeil d'un gros bouddha blasé. Je m'isole dans mon coin et rêve à ton visage, aux formes délicates mais au regard sauvage. Tu m'entraînes sur un fleuve fascinant d'Afrique, au rivage couvert d'une jungle métamorphique. Alors que l'on avance sous le feuillage lourd, tout se fige et se fond et moi je deviens mime. Seul dans le silence persiste le son sourd du moteur du vapeur qui cogne dans l'abîme. Je rêve. Donne-moi du groove, baby. Donne-moi du groove, du groove. Donne-moi du groove, baby. Donne-moi du groove. Des grillots, je te vois allongé sur une civière de peau, comme une épée de bronze posée sur son fourreau. Vais-je enfin pouvoir t'enlacer? Mes pieds sont lourds et ne veulent pas bouger. Vais-je enfin pouvoir m'approcher de tes lèvres d'idole qui semblent murmurer? Donne-moi du coup, baby. Donne-moi du coup.